Bilan, page 44. Jean-Marc Duval, c'est à vous pour les conseils du week-end. Merci Florence, vous êtes une présentatrice parfaite. Alors ce week-end, si vous ne vous levez pas trop tard samedi, vous pouvez aller à Pézenas pour le rendez-vous sportif de septembre. Vous devez être là-bas à 8h et tout le monde peut courir. Les enfants, les parents et les grands-parents. À midi, faites un pique-nique. Et l'après-midi, visitez la ville de Pézenas. C'est une très belle ville. Le soir, ne partez pas. Choisissez un petit restaurant et essayez la cuisine du Sud. Attention, ne buvez pas trop de vin et ne vous couchez pas trop tard, parce que dimanche matin, vous devez visiter le salon du bricolage à Béziers. L'après-midi, allez au cinéma. Il y a un très bon film, parfait pour toute la famille, Le Monde de la Mer. Et voilà pour le week-end. Mais vous ne voulez pas sortir peut-être? Alors, restez avec nous et écoutez maintenant Paul, notre ami médecin, et ses conseils pour être en forme.